Max a peu d'argent, mais il sort beaucoup. Il a peu d'argent, mais il sort quand même. Léa a la grippe, mais elle travaille. Elle a la grippe, mais elle travaille quand même. Tu as la migraine, mais tu vas danser. Tu as la migraine, mais tu vas danser quand même. Paul a un grand nez, mais il est très beau. Il a un grand nez, mais il est beau quand même. Tu as tout ce que tu veux, mais tu te plains. Tu as tout ce que tu veux, mais tu te plains quand même.